Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Tayyib, fa min hadha al-yawm bi idhnillah ta'ala sanarji' ila qira'atina al-mukhtasara fi hadha al-kitab alladhi huwa bahjat qulub al-abrar Kurat Uyun El Akhyar, Fichard Jawamir El Akhbar. Le livre de Cheikh Abdurrahman El Sa'adi, Rahimahullah Ta'ala, qui est une explication résumée de certains hadiths. C'est, comme on l'a expliqué, une forme de Arba'in Nawawiyya en plus large. Des hadiths qui expliquent des fondements et des règles générales. Et on s'est arrêté, ça j'étais encore en France, au 25e hadith. Donc de là, on va reprendre à partir du 26e hadith, Biznillah Ta'ala. Bon, espérons que la connexion sera correcte, Biznillah. Parce qu'avant que je ne commence, il y avait déjà des petits problèmes. Mais là, ça s'est rétabli. Tayyib yaqul, al-hadith wa sadis wa al-ishroun. 26e hadith. An Jabirin, radiyallahu anhu, qal, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, u'titu khamsan, lam yu'tuhunna, أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة الشهر وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه. Ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon Jabir, il dit qu'il m'a été accordé 5 choses qu'aucun parmi les prophètes n'a reçues avant moi. J'ai été secouru par la peur mise dans le cœur de mes ennemis à une distance de 1 mois. Que la terre tout entière m'a été rendue comme lieu de salat et de purification. Et tout homme de ma communauté, où qu'il soit lorsque l'heure de la salat le rattrape, alors qu'il fasse sa salat, où qu'il soit. Et m'ont été accordés les gains, c'est-à-dire le butin de guerre. Alors que cela n'a été permis à aucun autre avant moi. Et il m'a été accordé l'intercession majeure, qu'on appelle l'année majeure, c'est-à-dire pour les créatures, qui est Al-Maqam Al-Mahmoud. Et il dit que, également, la cinquième, c'est que chaque prophète était envoyé à un peuple en particulier, alors que moi, j'étais envoyé à tous les hommes. Voilà les 5 choses qui ont été accordés à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith-là, biznillah ta'ala, on va le reciter demain dans le dirs de demain, dans les 200 questions-réponses. Et il sera, lui, justement, dans le sujet des choses qui ont été accordées au Nabi sallallahu alayhi wa sallam en particulier, desquelles il se distinguait des autres prophètes. Dont ces 5 points-là. Il y en a d'autres. Il y a d'autres choses, mais ceux-ci ont été réunis en un seul et même hadith qui est authentique. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة فيقع فيها جميع الأنبياء فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة. Donc il a dit que notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a été gratifié, a été préféré ou à qui a été accordé beaucoup de préférence par rapport aux autres prophètes. Et chacune de ces choses qui lui ont été attirées ou qui lui ont été attribuées, d'accord, ces caractéristiques reviennent à la science utile. Wal ma'arif as-sahiha, et les coutumes authentiques. Wal amal as-salih, les actes pieux. Sauf que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu les meilleurs et les plus complets. D'accord. Tayyib. يقول وقد تمم صلى الله عليه وسلم ما أمر به وفاق الجميع الخلق وكذلك خص الله نبيا ونبينا بخصائص لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par lui a été qu'il a pu achever tout ce qui lui a été ordonné, tout ce qu'il a dû retransmettre il l'a fait, tout ce qu'il devait enseigner il l'a fait, tout ce qu'il devait dire il l'a dit, et par cela il a surpassé toute la création. D'accord? Et il lui a été accordé des choses, des spécificités qui n'ont pas été attribuées aux autres prophètes avant lui. Et dont ces cinq cités dans le hadith. Donc là, l'auteur va citer ces cinq choses-là, une par une. Yaqul, ihdaha, donc l'une d'entre elles, qui est la première, annahu nusira bi ru'b, nusirat ash-shahr, qu'il était secouru, il était secouru de ses ennemis par la peur qui a été inspirée dans leur cœur, même s'il se trouvait à une distance d'un mois de marche d'eux. Ça veut dire que même s'il est loin, lorsque ses ennemis entendent parler de lui, ils sont effrayés. Ils ont peur de lui. Et vous savez que lorsque la peur rentre dans le cœur de l'ennemi, déjà c'est une grande, un grand avantage pour l'assaillant. Car déjà moralement, l'ennemi il est perturbé. Son ennemi, son assaillant, il le voit comme étant plus fort que lui. Donc lorsque le moral n'y est pas, souvent les actes n'y sont pas également. Même s'ils étaient plus nombreux et en apparence plus forts et mieux équipés, si la peur est entrée dans le cœur de, la, de l'adversaire, alors c'est déjà un avantage immense pour l'assaillant. Et cette peur, c'est Allah Azawajal qui l'a mise. Voyez, فقال وهذا نصر رباني وجند من السماء يعين الله به رسوله وأمته المتبعين لهديه. Donc il a dit ça, c'est justement un secours divin et une troupe, c'est-à-dire une troupe, comment dirais-je, on pourrait dire une troupe, une armée des cieux. Que, par laquelle Allah Azawajal soutient son prophète ainsi que sa communauté. Il a dit qui bien ? Il a bien précisé qui ? Ceux qui suivent sa guidée. Ce sont ceux qui suivent sa guidée. C'est-à-dire, ce n'est pas tout musulman qui, à qui Allah Azawajal a accordé justement ce, cette protection par la peur. Mais à ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Les gens, les musulmans qui sont sur la droiture et sur la voie authentique. Cela inspire la peur dans le cœur des koufars, pas tous les autres. Et vous le voyez bien aujourd'hui, comme j'ai cité dans mon témoignage en France, qu'aujourd'hui les koufars n'ont plus peur des musulmans, dans leur ensemble. Mais ils ont toujours peur des gens de la sunna. Aussi peu nombreux soient-ils. قَالَ فَإِنَّهُ مَرْعُوبٌ مِنْهُ. Donc, les koufars ont peur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. يَقُلْ وَإِذَا أَرَضَ اللَّهُ النَّصْرِ أحدين ألقى في قلوب أعدائه الرعب كما قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما شركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Lorsque Allah عز وجل veut secourir un de ses serviteurs, alors il inspire la terreur dans le cœur de ses adversaires, de ses ennemis. Ils ont peur de lui. Et même parmi les musulmans, si un musulman injuste veut léser un musulman droit, il en sera de même. Ces injustes, mine de rien, auront peur de lui. Cette peur ne les empêchera peut-être pas d'agir et de faire l'injustice, mais au fond d'eux, ils auront peur de lui, le peur de se confronter à lui, de le voir ou de débattre avec lui ou autre, ils auront peur de lui. Dans le sens où Allah dit, et nous allons lancer dans le cœur de ceux qui ont mécru, hein, la frayeur pour ce qu'ils ont associé à Allah, ce dont ils n'avaient de descendre, aucune preuve. وَأَلْقَى فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْقُوَّةِ وَالثَّبَاتِ وَالسَّكِينَةِ وَالطُمَأْنِينَةِ ما هو من أعظم أسباب النصر. Et que كذلك Allah عز وجل a mis dans le cœur des croyants la force ainsi que la fermeté ainsi que la paisibilité, la quiétude, ce qui est également parmi les plus grandes causes de secours. C'est-à-dire que ton adversaire il est effrayé, il a peur, alors que toi tu es apaisé et tu te sens fort. Ça, si après cela tu n'as pas la victoire, c'est que vraiment il y a eu un problème quelque part. Ton adversaire il a peur de toi et toi, alhamdoulilah, tu es confiant et tu sens la vérité. Ce sont les meilleures causes pour pouvoir l'emporter. En toute situation. D'accord ? Toute situation. Biznillah ta'ala. Donc cela est accordé à qui ? À ceux qui sont sur le haqq, comme a dit ta'ala. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Il a dit dans le sens Allah Azza wa Jalla que Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et qui ont œuvré dans le bien qu'il leur accordera la suprématie sur terre comme il l'a accordé à ceux d'avant eux et qu'il leur instaurera leur religion, ce qu'il a agréé pour eux, et qu'il changera leur peur en sécurité. Mais c'est quoi la condition? Qu'il m'adore et qu'il m'associe rien. Donc cela sera accordé à ceux qui seront les gens du Tawhid, qui seront les gens de la Sunna et les gens de la vérité. Allah Azzawajal va les instaurer sur terre. Et quand on dit instaurer sur terre, ce n'est pas forcément qu'ils auront le pouvoir, qu'ils domineront tout le monde, mais qu'ils auront, ils dégageront une chose que, qui fera que personne n'osera les affronter, concrètement. Les gens auront peur d'eux. D'accord? Et les gens de la vérité accepteront d'eux, également. Adahu. Et plus le nombre de ces gens-là sera nombreux, et plus ils auront de force, et de là sera, pourra, cette promesse pourra aller bien plus loin. D'accord? Jusqu'à, peut-être même, une supremacie sur terre, comme cela a déjà été révélé, que l'islam dominera. Thumma qal al-thaniya, deuxième caractéristique attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qawluhu, wajjurilat lil ard kulluha masjida wa tahura, que toute la terre m'a été attribuée comme lieu de salat et comme moyen de purification. Donc dans la suite du hadith, que toute personne, où qu'elle soit parmi les gens de l'islam, et que lors de la salat arrive, où qu'il soit, il doit accomplir la salat. Naam. قال فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى فيها من غير استثناء إلا ما نص شارع على المنع منه. Donc, tout lieu sur terre est un lieu, yani, dans lequel la salat elle est valide. À part, exception faite pour certains endroits qui ont été décrétés par la législation. Il y a quelques lieux, d'accord, dans lesquels la salat elle a été interdite. وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة. Donc déjà en premier lieu dans les cimetières. Et la vraie cause, c'est pour fermer la porte à l'adoration des tombes. Car on ne se prosterne pas en direction d'une tombe, même pas dans le masjid. Si une tombe est dans le masjid, elle doit être sortie obligatoirement. Si une salat est faite dans le masjid en direction d'une tombe, la salat elle sera invalide. Donc que dire de faire salat dans un cimetière? C'est pour ça que la salat janaza que l'on fait, il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'inclinaison, il n'y a pas de prosternation. C'est une salat qui est spécifique. Sans quoi, en dehors de cette salat-là, la salat de base est interdite, vous voyez, dans les cimetières. Qal wa al-hammam, dans les toilettes également. Après, il y a une divergence quand ils disent le hammam, est-ce que c'est le lieu où on se douche ou est-ce que c'est le lieu où on fait ses besoins? Et Cheikh Al-Othaymeen voit que c'est le lieu dans lequel on fait ses besoins. Car le mot toilette, dans les pays arabes, les toilettes et la salle de bain sont dans un même lieu souvent. C'est une même pièce. D'accord? C'est une même pièce. C'est peut-être pas comme ça en France, mais dans les pays arabes, dans beaucoup de pays d'islam, c'est comme ça. Les toilettes sont dans le lieu où il y a la salle de bain. Donc c'est le même lieu là, on ne fait pas la salat. Mais lorsque les deux sont séparés, est-ce que le lieu de la douche, on peut y faire salat? D'accord? Il y a des ulama qui disent que oui. Ce qui est voulu par là, c'est le lieu où on fait nos besoins. Le lieu de défection. Naam. Et dans les enclos des chameaux. Les enclos des chameaux, on ne peut y faire salat. Déjà, car il a été dit parmi les causes que le chameau est un animal qui a été créé à partir de djinn, des shayatins. Ça, c'est de 1. Quoi qu'il en soit, il n'est pas impur parce qu'on peut monter sur lui et manger de sa chair. Mais il est dit également parce que le chameau est un animal qui est dangereux. Dans la salat, il peut te blesser, il peut même te tuer. D'accord? Quoi qu'il en soit, le texte est venu pour dire que dans l'enclos du chameau, on n'y fait pas salat. Thumma al-mawdi' al-marsub. Et également dans les lieux où il a été décrété par des gens de ne pas y faire salat. Dans un lieu qui ne te revient pas de faire salat. Par exemple, moi je suis une personne, tu es chez moi, et je t'interdis de faire salat à tel endroit. Et bien ta salat à cet endroit-là, tu n'as pas le droit de la faire. D'accord? Tu n'as pas le droit de la faire. Parce que c'est une autre mas'ala qui demande plus de développement, mais là, un lieu dans lequel la salat était interdite, tu n'as pas le droit de la faire. Un lieu qui ne te revient pas, qui ne t'appartient pas, dans lequel cela n'a pas été autorisé. Maintenant, s'il s'agit d'une salat qui est obligatoire, et que le temps va finir, tu n'as pas d'autre endroit pour la faire, tu peux la faire à cet endroit-là, tu auras le péché d'avoir enfreint, mais ta salat sera acceptée. Dans d'autres cas, ta salat peut se voir comme étant invalide. D'accord? Mais ça, c'est une masala qui demande plus de kalam. Et là n'est pas le sujet. Taïb. Qala wal najas. Et tout lieu impur, dans lequel il y a des impuretés. Ces lieux-là, on ne peut le faire salat. Quel qu'il soit. que ce soit les toilettes ou autre, un lieu dans lequel il y a des impuretés, qui n'a pas été purifié, on ne peut y faire salat. Car parmi les conditions de la salat, d'être dans des vêtements, eux, qui sont purs, dans un lieu qui est pur. Cela est normal. Non. Donc voilà, si, en dans cela, on peut faire salat en tout lieu. D'accord? En tout lieu. Même un lieu où il y a des photos, des choses haram, tu peux faire salat, seulement ta salat, la récompense, il sera réduite. D'accord? Elle sera réduite. Taïl. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point. Yaqul. Wuhidat li al-ghanaim. Wa lam tuhal li ahadin qabli. Donc, il dit maintenant, le butin de guerre m'a été rendu, m'a été permis. Alors que cela était interdit à ceux d'avant moi. C'est-à-dire, les prophètes d'avant, lorsqu'ils faisaient un combat, ils demandaient à leurs troupes de rassembler le butin de guerre. Tout était rassemblé en un seul et même lieu. Et de là, il y avait un feu qui descendait du ciel, qui venait pour consommer tout cela et le détruire. Ils n'avaient pas le droit de prendre quoi que ce soit du butin de guerre. Cela était interdit, et d'ailleurs des hadiths sont venus pour montrer que celui qui a voulu le faire, il était dévoilé. D'accord ? Il était dévoilé. Et cela était un grand péché. Ce qu'on appelle le rouloul, c'est le fait de prendre une partie du butin avant son partage et de façon injuste. Et même en islam, cela n'est pas permis. D'accord ? Lors d'un djihad légiféré contre l'ennemi parmi les koufars, s'il y a un butin de guerre qui doit distribuer, nul n'a le droit de le toucher, si ce n'est qu'après le partage fait par le chef des troupes. Non. Donc, pour le gens de l'islam, il leur a été accordé, lors d'un djihad légiféré contre les koufars, de prendre le butin de guerre. Par contre, si jamais c'est un combat entre musulmans, par exemple, il y a des musulmans qui sont injustes et qui se rebellent contre le gouverneur ou autre et que le gouverneur les combat pour pouvoir les soumettre à un jugement, à ce moment-là, le combat sera légiféré, mais on ne prend pas le butin, car ce sont des musulmans. Le butin de guerre qui est pris, c'est contre les koufars seulement. Ça, c'est un point qui est important à savoir. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ذل رمحي et que ma subsistance m'a été accordée sous l'ombre de ma lance. Car en fait le Nabi صلى الله عليه وسلم, sa cause de subsistance c'était laquelle? C'était le butin de guerre. Le Nabi صلى الله عليه n'était pas agriculteur, n'était pas commerçant. Du moins je parle après la prophétie, une fois qu'il a reçu le message et tout cela. Il n'était pas forgeron, n'était pas menuisier, n'était pas pêcheur. Car souvent les gens disent faut travailler, on leur demande c'était quoi le travail du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Vous verrez que peu de gens pourront vous répondre. On leur dira d'où tirait-il son salaire? Car il ne prenait pas la sadaqa, c'est interdit pour lui. D'où le venait-il son salaire, son moyen de vivre? Vous verrez que peu de gens pourront vous répondre à cela. Ils vont dire oui, gardez les moutons pour Khadija. Ou il était le commerçant pour Khadija. On dirait ça, c'était avant la prophétie. Mais après la prophétie, de quoi il vivait? Il vivait justement du butin de guerre. Et le djihad n'a été légiféré que après la hijra à Al-Medina, lorsque les musulmans sont devenus forts, et qui a commencé par la première bataille qui était celle de Badr. Et de fil en aiguille, d'autres combats, d'autres batailles ont eu lieu. Et c'est de là que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam prenait sa subsistance. D'accord? Et même les ulama, ils ont divergé quelle est la meilleure source de subsistance de façon générale pour les musulmans. Certains ont dit le commerce, d'autres ont dit l'agriculture, d'autres ont dit l'industrie et autres. Et d'autres, ils ont dit le djihad. Et on parle du vrai djihad, bien sûr, hein, à chaque fois on précise. Hein. Avec un gouverneur sous l'étendard, sous la bannière, sous l'étendard d'un gouvernement musulman. Eh ben, ils disent que c'est ce qui a été attribué au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, était la meilleure des choses, donc le meilleur des salaires, c'est celui-ci. Dans lequel il y a plus de baraka. Naam. Donc, nous, d'accord, par rahmat d'Allah azawajal, quand Allah a connu notre faiblesse, comme cela vient dans des hadiths, il nous a accordé de pouvoir prendre le butin de guerre après une bataille contre les koufars. Taïb. Ça, c'est la troisième. Arabia, qu'oulouhu sallallahu alayhi wa sallam, wa u'titu al-shafa'a. Que la shafa'a m'a été accordée. Ce qu'on appelle al-maqam al-mahmoud. C'est la shafa'a majeure pour la créature où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens seront dans les affres terribles du jour du jugement, sous le soleil, ils iront se diriger vers tous les prophètes pour leur demander d'intercéder pour eux. C'est quoi l'intercession? Ce n'est pas pour entrer au Jannah. Non, c'est pour que le jugement s'accomplisse et qu'ils puissent enfin être soulagés de cette attente. Et chaque prophète se défendra et refusera de prendre cette charge. Ils iront voir Nuh. Nuh dira, non, j'avais une invocation, je l'ai faite contre mon peuple. Il a dit, mon Seigneur est en colère aujourd'hui, j'ai peur pour moi. Allez voir Adam. Ils vont aller voir Adam. Adam, il a dit, j'ai mangé de l'arbre interdit. Mon Seigneur est en colère. Je pense à moi en premier lieu. allez voir Moussa. Ils vont voir Moussa. Et Moussa, il va dire, j'ai tué une personne qui ne m'a pas été ordonné de tuer. Donc j'ai peur pour moi. Après, il a dit, mon Seigneur est en colère, une colère sans précédent, et qui n'aura pas lieu par la suite. Allez voir Ibrahim. Ibrahim, ils vont voir l'Ibrahim. Ibrahim, il va dire, j'ai menti 3 fois. En vrai, c'était pas un mensonge, c'est une belle théorie. C'était une forme de ruse, de tromperie. C'était pas un mensonge pur. Mais, quoi qu'il en soit, il voyait cela comme étant une faute de sa part. Il a dit, allez voir Issa. Ils vont voir Issa, alayhi salam. Et Issa ne citera aucun péché. Issa, alayhi salam, ne citera aucun péché. Ma'azalika, c'est Yakoul, alaykum bi Mohammed. Il va dire, allez voir Mohammed. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dira, cette chafa, elle est pour moi. Et de là, il se posternera pour Allah Zawajel, qui lui inspirera de nouvelles éloges et de nouvelles invocations à faire. Et de là, Allah Azawajel lui dira, Ya Mohammed, irfa ra'sak, wa sel tu'ta, wa tusma, wa kul tusma, wa shfa tu shafa. Il a dit, Ya Mohammed, lève ta tête, parle, tu seras écouté, intercède, sera accepté de toi. Et dira, Ummati, Ummati, Ummati. Et à ce moment-là, il sortira parmi la shafa'a, et le fait de sortir des gens du feu, parmi les gens qui ont dit La ilaha illallah, parmi les vrais croyants qui avaient le tawhid dans le cœur, d'accord? Il y a également une shafa'a pour faire rentrer les gens au paradis plus vite, d'autres qui ne devaient pas y rentrer, si ce n'est en passant par le feu, qu'il faut rentrer directement, et ainsi de suite. Et il n'y a pas que lui qui intercède, mais la plus grande intercession sera la sienne. D'accord? Les malaïka yashfa'un, wal anbiya yashfa'un, wal awliya yashfa'un, wal mu'minun yashfa'un. D'accord? Les anges, ils intercèdent. Les autres prophètes intercèdent. Les awliya, ils intercèdent. Les croyants intercèdent. Mais la meilleure intercession parmi celles de la créature, celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et celle-ci n'a été accordée qu'à lui. Taïf. Summa qal, خامسا وكان النبي يبعث الى قوم خاصه وبعث للناس عامه. Il a dit que chaque prophète est envoyé à son peuple, alors que moi j'ai été envoyé à tous les hommes. Aywa al nabi sallallahu alayhi wa sallam comme qu'Allah ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Dis aux vous les gens, je suis pour vous le messager d'Allah, pour vous tous, pour les hommes et les djinns. Pour les hommes et les djinns. Taïb. Et une coupure, on poursuit. De toute façon, c'est une coupure, je pense avoir compris comment pouvoir relancer assez vite business là. Je suis obligé de couper la diffusion et de la relancer. D'accord? Donc dès que je coupe, on relance, donc restez connectés. Donc là, on a fini ce hadith. ثم يقول في الحديث 27 فالستيم حديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وإن أوتر قبل أن أنام متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه إلى دي Khalili, c'est-à-dire la personne que j'aime le plus, m'a exhorté de faire 3 choses et de ne jamais les laisser. 3 choses en particulier. De jeûner 3 jours par mois. De faire 2 rakat pour le doha. Et de faire le witr avant de dormir. De faire le witr avant de dormir. Naam. Fayu'lam awwalan an hadhi al-a'mal hiya min an-nawafil. Ces 3 actes-là sont des actes surérogatoires, qui ne sont pas obligatoires. Voyez ? Cependant, le musulman, il ne sait pas si ces actes de base sont acceptés ou pas. Enfin, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Eh bien, il fait en sorte de faire les causes, d'avoir le plus... on va dire le mot chance, et quand on dit chance, on ne veut pas dire le mot chance comme vous le connaissez. Le mot chance, comment dire, le chance d'occasion, voilà, dans le sens de occasion. De voir ces actes acceptés. Car les actes surrogatoires, Yom Al-Qiyamah, seront une compensation des manques des actes obligatoires. Masalen, awal ma yusall al-abd, Yom Al-Qiyamah, an al-salah. La première chose, parmi les droits d'Allah Azzawajal, au sujet desquels seront interrogés les serviteurs, Yom Al-Qiyamah, c'est la salat. Et de là, il sera dit que regardez dans sa salawat, et celles qui n'étaient pas complètes, qui n'étaient pas acceptées, alors le premier, prenez de ces salats surrogatoires pour compléter le manque. Donc, plus tu feras d'actes surrogatoires, et plus tu auras avoir de moyens de combler les manques dont tu auras fait preuve dans tes actes obligatoires. Donc, tout cela est à ton avantage. Donc, c'est très important. Car beaucoup de gens, et je l'ai vu quand j'étais en France, les gens sont très négligents envers les actes surrogatoires. وَعَدَ خَطَأ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est une erreur que d'être négligent face aux actes surrogatoires, de dire c'est juste une sunna, c'est pas obligatoire. Non, cette sunna yom al-qiyama peut être une cause pour que tu rentres au paradis et t'éviter le feu. D'accord? Et que Allah nous a créé pour cela, pour l'adorer. Donc on ne se limite pas juste à la limite de l'obligation, on en fait toujours plus. وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِي مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدُ بِشَيْءٍ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا زَلَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Allah Azza wa Jalla dans le hadith Qudsi, il a dit que mon serviteur ne saura se rapprocher de moi par une chose plus aimée auprès de moi que parce que je lui ai rendu obligatoire. Donc les meilleurs des actes, ce sont les obligatoires. Là-dessus, il n'y a pas à discuter. Et il a dit que mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires hatta uhibba, jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire que pour obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jalla, il faut faire plus que les obligations. Et il faut faire également les surérogatoires. Il a dit, si jamais je l'aime, kuntu rijlu allati yamshi biha. Ou rijla. Si jamais je l'aime, je serai la jambe par laquelle il marche. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. Et la main par laquelle il saisit. وَسَّمَعُهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِهَا. Et l'ouïe par laquelle il entend. وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهَا. Et la vue par laquelle il verra. وَلَنِسَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ. Et s'il me demande, je lui donnerai. وَلَسْتَعَذَّنِي لَأُعِذَنَّ. Et si il me demande un refuge, je refugerai. Je l'abriterai. Donc, regardez bien la valeur qu'il y a de faire des actes surrogatoires. Ce n'est pas une chose à négliger. Et c'est très facile. Regardez bien les trois actes seulement qu'il a exhorté à Abu Huraira de faire. Trois jours par mois de siyam, ce n'est pas grand chose. Trois jours par mois. D'accord? Que ce soit les jours blancs ou non. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yasoum minashar, ayya yawm kana. Donc des hadiths sont venus pour dire que les meilleurs jours sont les jours blancs, mais en vrai tu peux faire les jours que tu veux dans le mois. Ça peut être le premier jour du mois, au milieu, à la fin, quand tu veux. Mais ce qui est recommandé, c'est de le faire au moins trois fois par mois, si possible. Tu peux plus, fais le lundi et le jeudi. Tu peux plus, fais le jeûne de Daoud. Il n'y a pas meilleur comme jeûne, un jour sur deux. Mais ça, c'est très très difficile. Car ton corps, il a un droit. Et jeûner, ça affaiblit. Mais le minimum à faire, c'est trois jours par mois. T'en fais en début de mois, t'en fais en milieu de mois, et en fin de mois. Comme ça, ce n'est pas trop lourd pour toi. Taïeb, ça c'est une chose qui est à la portée de beaucoup de gens, à part ceux qui ont des problèmes de santé. Sans quoi, celui qui a bonne santé, qui est encore frais et qui a encore de la vigueur, on l'encourage à faire cela. Et même pour ta santé, c'est un khayr. Les médecins même confirment que le jeûne, c'est une bonne chose pour le corps, en soi. Donc ce n'est pas difficile à faire. Taïeb, avahou. Et il dit que le fait de jeûner trois jours par mois, ça équivaut à avoir jeûné, on fait ça toute l'année, à avoir jeûné l'année entière. Car les bonnes actions, elles sont comptées comme étant 10. Donc un jour, ça en vaut 10. Trois jours, ça fait 30, ça fait un mois. Trois jours par mois, ça fait un mois entier. Fahimtoum, auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est compté comme si tu avais jeûné toute l'année en continu. Donc ce n'est pas négligé. C'est une récompense qui est facile à obtenir et qui peut rapporter énormément yawm al-qiyama. Azaw. Thumma qala, amma salat ad-duha. La salat du Doha est celle qui a lieu après le shuruq, une fois que le soleil s'est un peu levé, après le fajr. Il ne faut pas la faire dès que le soleil se lève, il faut attendre que le soleil soit un peu élevé, c'est-à-dire à peu près 10 minutes après le shuruq, parce que lorsque le soleil se lève, c'est un temps où la salat elle est interdite. C'est un temps, car c'est l'heure où les mouchriquins se prosternent pour le soleil. Ou, c'est enfin, que le soleil se lève entre les deux corps de shaitan, et c'est là où les mouchriquins se prosternent. Donc cela reviendrait à leur ressembler. Donc une fois que le soleil est levé, légèrement, à ce moment-là, on peut faire le Doha. Et le temps du Doha, il est de ce moment-là jusqu'à un petit peu avant le zénith. D'accord ? Et tu fais autant de rakat que tu veux. Le minimum, comme dans le hadith, c'est 2 rakat. 2 rakat. Et le maximum qui était rapporté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était 8. D'accord ? Mais les ulama disent que tu peux faire autant que tu veux. Un jour tu fais 2, un jour tu fais 4, un jour tu fais 8, en fonction de ta forme. Mais au minimum, il s'en fait au moins 2 par jour. 2 par jour du Doha. Non. Thumma qal, al-witr. Le witr. Le witr, c'est la salat de nuit. Et cette salat, on peut l'accomplir à compter du Apal Isha, en début de nuit. On peut la faire en milieu de nuit, et le meilleur moment, c'est au dernier tiers de la nuit, au moment où Allah Azzawajal descend au ciel de cette dunya, dans lequel il dit, celui qui me demande, je lui donnerai. Celui qui me demande pardon, je lui pardonnerai. Et autre parmi les choses du hadith. C'est le meilleur moment pour se lever. On l'appelle Qiyam al-Layl. Et Qiyam al-Layl, on l'appelle également le witr. D'accord ? On peut le faire de maximum, selon la sunna, 13 rakat. Ou 11. On peut faire 9. On peut faire 7. On peut faire 5. On peut faire 3. On peut faire jusqu'à 1. Une rakat. C'est le witr. Qui n'est pas en mesure de faire une rakat, ne serait-ce que, comme dans le hadith là, après l'Isha. Tu peux pas te lever la nuit, fais une rakat. Tu dis « Qul huwa Allahu ahad » dedans. Tu ne peux pas le faire. C'est que c'est vraiment une cause d'abandon de ne pas faire cela. Une rakat, khafifa, en début de nuit. Tu es plus fort, fais-la en fin de nuit. Tu es plus fort, tu fais 3. Tu es plus fort, tu fais 5. Ainsi de suite. Mais au moins une. Il était apporté que l'imam Ahmed disait que celui qui ne faisait pas cette rakat-là, au minimum, que lui n'acceptait pas son témoignage, car c'est une personne mauvaise qui n'arrive pas à faire cela, une rakat, en début de soirée au minimum, c'est qu'il n'a pas de bien en lui, pour lui. Ça, c'est le col d'imam Ahmed, car à la base, c'est pas une chose qui est obligatoire. Mais cet abandon, ce délaissement, en démontre beaucoup chez la personne qu'elle n'a pas, on va dire, de motivation en elle de faire du khayr. Après, ça arrive des fois, t'es fatigué, ou tu es malade, tu es excusé. Mais de base, prendre l'engagement de dire au moins, je fais une rakat par soirée. Et celui qui a fait cela, c'est compté comme un Qiyam al-Layl, il ne faut pas croire. Hein. C'est un Qiyam al-Layl. Ce n'est pas aussi valorisant que celui qui fait 13 rakat en fin de nuit. C'est certain, mais tout le monde n'a pas la même force. Mais c'est un Qiyam al-Layl, c'est toujours mieux que celui qui ne l'a fait pas. C'est énorme, bien mieux que celui qui ne l'a fait pas. Et surtout, se mettre en tête de rester régulier. فإن أحب الأعمال إلى الله أدوامها ولو قلت كما قالت عائشة كما قالت عائشة que les actes les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui continuent même s'ils sont peu être régulier rester régulier et en mesure des capacités et ça qu'Allah Azzawajal il aime vaut mieux un qui fasse une rakat tous les jours et qui s'y tienne que un qui fait un Qiyam al-Layl la moitié de la nuit une fois par mois et après il fait plus rien une fois par an après il fait plus rien wallah c'est mieux un petit peu en continu que beaucoup interrompu. Donc ce hadith vient pour nous montrer le minimum que l'on puisse faire pour obtenir le tawfiq d'Allah Azzawajal. Minimum, le doha. Minimum, jeûner 3 jours par mois. Et minimum, au moins, le witr. D'accord ? Le witr. Et vous avez bien vu qu'il y a une grande récompense par la suite que Allah Azzawajal accorde un bienfait à celui qui fait des actes surrogatoires. Il sera parmi les gens que Allah Azzawajal aime et préfère par rapport à d'autres. Et que dans les mondes fitan, Allah te préservera. Tu auras le tawfiq, tes pieds ne t'emmèneront que dans les bons endroits, que tes mains ne saisiront que les bonnes choses, que ton oreille n'écoutera que les bonnes paroles, que tes yeux ne se tourneront que vers les bonnes choses, par la cause de ces actes surrogatoires que tu auras fait, tu seras muwaffaq. Et j'ai vu, comme je l'expliquais, j'ai vu plein de gens qui malheureusement ont beaucoup de défaillances au niveau de leur istiqama, parce que tu les vois dans les actes surrogatoires, ils sont trop négligents. Et ce n'est pas à négliger ce genre de choses. Ce n'est pas que tu prends un péché, mais ce ne sont pas des causes pour que Allah t'élève. Ce ne sont pas des causes pour que Allah t'élève. Naam. طيب فهذا الذي أخذنا اليوم من هذه الأحاديث نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك